À l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du travail de Corée, les délégations et personnalités des organisations politiques et sociales de divers pays ont visité du 12 au 23 juin les ambassades coréennes dans leur pays. Les délégations des partis politiques nigérians, le premier sous-secrétaire général du Parti uni islamique iranien et sa suite, le secrétaire général du Parti Jatiya bangladais, le président de la Ligue populaire bangladaise, le président de l'Institut bangladais des idées du Jyotse, le président du comité préparatoire bangladais pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de Busan 2017 et président du comité d'amitié et de solidarité Bangladesh-Corée, le secrétaire général du Parti travailliste du Congo démocratique et autres personnalités ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant le tableau de peinture où figurent le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il pour rendre hommage. Par ailleurs, le président du Parti socialiste béninois a fait parvenir le 17 juin un bouquet de fleurs à l'ambassade coréenne.